Et c'est grâce à la sublime série DJ Midi Made in France, sublimement réalisée par son pote Thibaut de Longeville et disponible sur la plateforme d'Arte, que l'on pige enfin la connexion entre le rap et l'électro. Et parmi ces artisans électro qui ont accueilli DJ Midi à bras ouverts, il y avait Cassius. Nous sommes en 1999. Et c'est notre Power Old School Play la semaine. C'est la mouche. C'est presque un zobi la mouche. La nuit des temps, Radio Duo. Attacac a produit une cassette, une seule cassette, qui s'inspire autant de la house lofi de Chicago que de la high life. Et la high life, c'est le rap made in Guinée. En 2015, Awesome Tapes from Africa déterre cette cassette et met le feu à Internet. En 2025, on ressort la platine cassette. C'est la cassette du mystérieux Attacac. Da Nina. Traversez la nuit des temps. Et vous êtes sur Radio Duo.

La nuit des temps, l'international de la danse. Welcome to the show. Cartoons Radio. Coming at you live. We got a very special guest. But before we get to that, time to pour your favorite drink. Blow your favorite smoke. Get comfortable. David Lodge écrit son roman Nice Work en 1988. C'est l'histoire d'un directeur d'usine qui tombe, figurez-vous, amoureux d'une prof de fac. Il dit « Je suis amoureux de toi depuis des semaines ». Et elle répond « Ça n'existe pas, c'est juste un procédé rhétorique, c'est une erreur bourgeoise ». Alors il lui demande « Tu n'as jamais été amoureux alors ?» Et elle explique « Quand j'étais plus jeune, oui, je me suis laissé construire par le discours sur l'amour romantique pendant un certain temps. J'avoue, oui ». Voici les Pet Shop Boys. L'amour est une construction bourgeoise. Nous sommes en 2013. La nuit des temps, Radio Duo. Rod Stewart, Ron Wood, Jeff Beck, 1973. Peut-être le groupe pop allemand le plus populaire des années 70 devant Kraftwerk. Plus de 60 millions d'albums vendus dans le monde. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de playback pour faire fonctionner ce groupe dans les shows télé. N'empêche, Boney M, à la soul et le disco, Boney M a ajouté des influences caribéennes grâce à Liz Mitchell qui était jamaïcaine et Maisie Williams qui était montserratienne. Soca, reggae, calypso, les Caraïbes n'étaient jamais loin et fournissaient suffisamment de rythme pour décoller avec vélocité vers Vénus à travers une faille spatio-temporelle disco. Nous sommes ensemble en 1978. Solid Ground aussi. On peut faire mieux. On peut faire un truc tous ensemble. We got you and me. La nuit des temps, l'international de la danse. Il est en déséquilibre, il est décevant, il est agaçant, il est mégalo, il est punk. Et par moments, il produit des étincelles de groove stratosphériques. Christine and the Queen, nous sommes en 2023. La nuit des temps, Radio Duo. Trying to watch it. Ça bruisse autour du bar de la nuit des temps, car oui, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et attention, même si le club ferme, le programme continue ce soir avec les démineuses, tout à l'heure, juste après 22h. Une pomme, une clé USB, un coke sur la table. C'est les démineuses, avec des fausses pubs et des vraies infos. En attendant, on salue toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir sur le dancefloor. On a commencé avec la Nelda Piña, depuis sa Colombie natale. On a également ressorti la vieille cassette Data Attack et son disco Afrobeat. Congas, alias le groupe de Cerón, qui lui, en son temps, avait rendu hommage, un hommage même plutôt bien balancé, au célèbre Why Can't We Live Together du soulman Timmy Thomas. Et les Pet Shop Boys, qui ne pensaient qu'à une chose, déconstruire l'amour bourgeois. Toujours au rayon oldies, Rod Stewart et son groupe Faces. Ou encore, direction l'Allemagne avec Boney M et son chanteur-danseur Bobby Farrell qui vraiment nous faisait flipper. Cassius était notre power play de la semaine. Paul Woolford and Christine and the Queen ont fermé le bal avec leur remix génial de To Be Honest. Et pour être honnête, c'est le moment de lever les yeux vers le ciel de Saint-Étienne. Un ciel empli de bonnes ondes avec Dio. Les démineuses, dans quelques instants, et toujours en direct sur Dio. Buena notte. Salut!